me on R.I.P. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contre-jour de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. On n'a pas eu le droit à c'est la saga. Ben, ce sera pour une autre fois. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. A priori, tous les problèmes sont résolus. Ça devrait être très très bien ce soir. C'est la saga des Fab Four numéro 505. C'est un spécial live Fab Four. Et nous avons décidé, vous le savez depuis un certain temps, que pour ce live Fab Four, nous imaginons que nous sommes dans un monde avec plusieurs dimensions, vous savez, comme pour les Marvel, multidimensionnel, je n'ai rien inventé. Et dans ce monde, eh bien, John Lennon, George Harrison sont toujours vivants. Et en plus, ils se payent le luxe pour le plaisir de passer à Bordeaux, nous faire un concert juste à nous, les Bordelais. Et comme RIG est toujours sur le bon moment pour faire ce qu'il faut, RIG vous diffuse en exclusivité ce concert qui se passe à Bordeaux dans un monde différent. Donc, je ne vous donne pas le programme, puisque comme c'est un concert, je suis dans la loge, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez très bien que je le sais, mais je ne vous le dirai pas, je ne dirai rien du tout. Et j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée en compagnie de John, Paul, Ringo et George entre 20h et 22h. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Pour commenter, c'est le topic qui est en haut avec une photo des 4 Beatles séparément pris sur un micro en train de chanter. C'est le principe du live. Voilà. Donc, je vous laisse passer le générique. Et on commencera, si je peux vous le dire, par I saw her standing there. Ben oui, il faut une bonne accroche. Rappelez-vous ce qu'avait dit Maurice Chevalier à Johnny Hallyday. Tu commences ton concert avec une chanson de dingue, tu finis ton concert avec une chanson de dingue, et entre les deux, tu fais ce que tu peux. Et bien, c'est ce que vont faire les Beatles pendant ces 2 heures de la saga des Fab Four. Voilà, à tout de suite. Concert directement. I saw her standing there sur RIG. Bonne soirée. Comme d'habitude, les débuts des concerts des Beatles, c'est en fanfare. Voici Dizzy Miss Lizzy, John Lennon en lead. Get back to it. sont plutôt très en forme ce soir au Stade Bordelais. J'espère que tout se passe bien. Il y a John qui vient de dire on va vous parler tout à l'heure, mais pour l'instant on va se calmer un petit peu parce que on est plutôt jeune. It's a slow number. Voilà, c'est un titre plus calme. Babies in Black sur RG. C'est Paul qui va parler parce que il parle un peu plus français que les trois autres et ils disent bonjour à Bordeaux forcément. Ils espèrent que tout le monde va bien. Ils parlent au nom de tout le monde et que si vous êtes en train de manger, eh bien mangez bien puisque le concert est retransmis par RIG et il est notamment retransmis dans certains restaurants qui font des crêpes et qui sont situés à Talence. Il y en a qu'un qui fait des crêpes à Talence. Salut aux Twist and Crêpes et bon concert. Je vais vous parler puisqu'on a un petit peu de temps, le temps qu'ils discutent, de Lovely Rita. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. La saga des Fab Four, tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Ok. All right. We'll be right back. shake, ooh, yeah, shake it, baby, shake it. Come on, oh, I'll sing along. All right, I'll take it down even further. Oh, shake it, baby. All you gotta do is just stand on one spot. Wiggle around just a little bit. Shake it off, baby. Shake, oh, wiggle around, oh, you know what I like, oh, let's shake, oh, now shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it, oh, shake it, baby, shake it, shake it, baby, shake it. McCartney se prend pour Jerry Lee Lewis. Là, c'est High Heel Sneaker sur RG. très en forme pour ce concert. Oh là là, j'ai coupé un peu trop vite le retour du spectacle, mais c'est pas grave. Vous êtes sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 505. Et nous sommes le mercredi 29 septembre déjà. Et tout se passe très très bien. Nous sommes dans une dimension parallèle dans laquelle John, Paul, Ringo et George sont tous ensemble. Et donc, ceux qui n'étaient plus là dans notre dimension sont là. Et ils nous font un concert ici à Bordeaux avec un invité. Et un invité pas n'importe lequel. Il était sur Bordeaux. Ils l'ont invité à monter sur scène. Il s'agit de Louis Bertignac pour une reprise pas piqué des verres tout en rock and roll de Helter Skelter.

Et si on faisait le point sur les chansons déjà passées dans ce concert des 4 Beatles, John, Paul, Ringo et George? Il y a eu au début I Saw Her Standing There, puis Dizzy Miss Lizzy avec John Lennon. Get Back a suivi, Babies in Black, tranquille, c'est passé. McCartney s'est mis au piano et nous a gratifié d'un Whole Lot of Shaking Going On du plus bel effet, enchaîné avec un High Heel Sneakers. Il y a eu un invité, Louis Bertignac, qui est monté sur scène pour un Helter Skelter très très dynamique, survolté, puis That Was We, chanté par Paul McCartney. On a marqué une petite pause tranquille avec Paul au piano, j'allais dire, et pour Celebration, c'est un instrumental. Ensuite, il est venu I've Got a Feeling et à l'instant Calico Sky. Je vois que les projecteurs se braquent sur Ringo Starr, c'est donc à mon avis son tour, comme disaient les Bee Gees que j'avais vu en concert en 1989. Maintenant, c'est au tour de Ringo. C'était Maurice dans le cas des Bee Gees. C'est au tour de Ringo de faire l'andouille. Voici Ringo Starr sur RG. Love of mine keeps growing all the time. Chicago. Non, Bordeaux, c'est à Bordeaux. Si vous prenez l'émission surtout en cours, vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Et ce soir, sur RIG, qu'on peut également entendre sur www.rigfm.fr, c'est la saga en live. On imagine que John, Paul, Ringo et George sont ensemble ici à Bordeaux et ils nous sortent le meilleur d'eux-mêmes de très, très, très, très bonnes chansons. Et en ce moment, c'est Ringo qui est de la fête puisqu'il vient de nous chanter With a Little Help from My Friends. C'est quand on l'a introduit avec It Don't Come Easy juste derrière, Photograph à l'instant. Et il lui reste encore deux chansons parce que je connais quand même le programme. Voici l'une d'entre elles, Don't Go Where the Roads Don't Go sur RIG. your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? Ticking on the mantle shelf. I see the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight. Why I'm by myself, I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. You know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. How I hate to see you go. Don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. Sorry that I doubted you. So unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you'd be late tonight, about an hour or two. I said that's alright, I'm awake and here, waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, c'est l'anecdote sur cette chanson. Il a mis 5 ans à la faire apparaître sur un album des Beatles. Au départ, il l'a proposé donc en 1963. Et à chaque fois, on lui a dit « Ouais, ouais, ouais, c'est pas mal, vas-y, travaille encore et tu vas y arriver. » Et puis finalement, en 1968, eh bien, il a eu le droit à cette chanson-là, « Don't pass me by ». Et c'est bien, Ringo sait aussi s'amuser, être agréable et puis faire des chansons plutôt sympas. Bon, peut-être un tout petit peu moins forte que celle de ses amis, mais c'est bien, il compte quand même. Il n'est pas le moindre des Beatles, il a apporté aux Beatles, déjà dans sa façon d'apporter à la musique avec sa batterie, c'est un Beatles avec lequel il faut compter. Voilà ce que je voulais dire sur cette anecdote et ce batteur qui décidément a influencé énormément de batteurs. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a certains batteurs ultra connus qui ont dit « J'ai eu envie de faire de la batterie parce que j'ai écouté Ringo Starr » et je l'ai trouvé absolument fantastique. Maintenant, on revient en concert, si vous le voulez bien, avec George Harrison en lead. What is life? George Harrison sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. La saga en live, c'est sur www.rigfm.fr. What I feel, I can't say. My love. you very much. ce soir, la saga est en live. Où est-ce que nous en étions dans la présentation des chansons? Je crois que vous avez laissé avec McCartney. Il y a eu donc Ringo Starr, introduit par With a Little Help from My Friends. Et il a chanté It Don't Come Easy. Puis Photograph, puis Don't Go Where the Road Don't Go. Et enfin, Pass Me By. À l'instant, George Harrison, What Is Life? Le succès des années 70. Quel succès! Et I Got My Mind Set On You, qui est réellement le titre exact, c'est Got My Mind Set On You. Une reprise que vous n'avez pas pu rater si vous étiez dans le monde en 1987. La suite de la saga en live, c'est maintenant avec John Lennon, Your Blues, du gros blues bien fort. RIG, c'est la radio des Beatles. Yeah. 90.7, la radio des Beatles. We'll be right back. quel talent et quelle voix. Dans quelques minutes, dans 25 minutes à peu près, vous retrouverez Eric et sa stupéfiante émission qui s'appelle Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, la suite du concert sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 505. How's it go again? I'm amazed, Paul McCartney. Quelle voix. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Or maybe I'm afraid of the way I love you. Reading me. blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Fly all your life. You're only waiting for this moment to arrive. And learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. Le concert de John, Paul, Ringo et George, c'est sur RIG 90.7. Voici maintenant Getting Closer. Je rêvais d'entendre ça. Thank you very much. Oh, yeah. Long time ago, when I was in New Orleans, I met Fats Domino. He said, I want to tell you something. I said, what is it? He said, you made me cry. Too much to wait. All this time it is getting me down. If I'm a cop straight over the rail, and I won't want to be like bones. 5, 6, and mighty like bones. On 12, I'm starting to sag. 50 before I'm ready to train. I'll get you to the top. Well, I'm too tired to roll. C'est avec cette chanson que Paul était rentré dans le groupe Les Quarrymen, le groupe de John Lennon, en 1957, en prouvant à John qu'il était capable de jouer cette chanson-là. Et également, lorsqu'ils se sont parlé, John et Paul, et c'est amusant parce que Paul a créé une chanson à 14 ans qui s'appelait I Lost My Little Girl, et quand il en a parlé à John, John a dit, moi aussi, j'ai créé des chansons. Et chacun a dit, vas-y, montre-moi ta chanson, je vais te montrer la mienne. C'était pas une histoire de qui a la plus grande, c'était une histoire de qui a fait quoi et puis d'apprendre l'un de l'autre. Et ça a marché très très bien. Voici la chanson de Paul, justement, de ses 14 ans. I Lost My Little Girl. Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Oh, oh, oh, oh. Well, clothes were not expensive, a hair didn't always curl. I don't know why I loved her, but I loved her. Well, gather round people, let me tell you the story. The ferry was on the road. Well, gather round people, let me tell you the story. The ferry was on the road. I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Thank you, thank you. We never did it because of that line, her hair wouldn't always curl. Couldn't handle that line. Still, there you go. Okay. Well, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, it was on one moonlight night with the stars shining bright, wind blowing high, my love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on. Shine on the one that's shine. Wish I had all the one that's gone to let me blue. Wish I had all the one that's gone to let me blue. Une dernière chanson avant de se quitter. Justement, c'est Ringo qui la chante, mais là, c'est Paul. I wanna be your man sur RG. L'antenne à César, Eric en fait. Ça ira bien Eric pour sa superbe émission de Johnny de A à Z. À très très bientôt. Merci d'avoir écouté et dans quelques instants ça va être vraiment vraiment très très bien avec Eric. Ciao, à la prochaine fois. We'll be right back. Yeah.